Pourquoi tu veux danser? Pourquoi tu veux baiser encore? Pourquoi tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux? Sois clair pour une fois. Je me mets sur le marché ce soir. Veux-tu m'accepter? C'est une situation normale. Marché total. Et son haricot magique. vitesse incroyable. Du volcan, nous dansons au pied du volcan. Yeah, we dance, yeah, we sing, yeah, we love. Devant l'évidence de la catastrophe, nous dansons. gap. Didn't know who's better than that. The new finger. A new life for you, for family. Able to push, able to plant, able to touch, able to feel. Another player. Yes. A big player. Power of da da ya da da da da da ya da da ya da da. Dabei war mir ja Bobo, aber jetzt. Dabei war mir Bobo. Oh. A Frenchman in New York. Oh, whoa, whoa. I'm an English. My name is New York. Come on. Comme je disais justement, les vieux traumatismes remontent à la surface. Indubitablement, inexorablement, les traumatismes remontent. Ça monte. Une émotion mal digérée, regard mal différé, à l'époque nous avions les cheveux dans le vent, vers l'hôtel California. Cadillac, décapotable, les cheveux dans le vent, vers l'hôtel, Californie. Je revois le crépi, les bougeoirs, la déco. 70s décalés.